la route est longue. Ouais. Ok. Frey, un pare-balles. Les acolytes sans sanction verbale. Ouais. La route est longue, mais je prends pas de risque. Les tentations sont fortes face au raccourci qui existe. Il faut que je prendrais des années à composer mon disque. Ils disent que le rap est mort, regarde où on vise. Que le sommet, on aimerait tous la couler douce au soleil. Mais pour l'instant, on galère juste à trouver le sommeil. On a le seum et ça, dès le réveil. Tu veux des bonnes faces, t'inquiète, j'en ai plein en réserve au fil des épreuves et du temps. Certains de tes potes se révèlent. Rappelle-toi, à l'ancienne, la belle vie, on en réveille. Il nous reste encore du chemin pour la vie. Je suis encore jeune, il me reste un tas de choses à accomplir. La vie, c'est une longue chute, faut choper la bonne corde avant d'atterrir, avant que ça n'empire. Et avant de partir, je voudrais juste laisser ma trace, laisser de bons souvenirs. Mais gardons la tête froide, la route est longue, je n'ai pas fini de retranscrire, non. La route est longue mais belle, la route est longue mais pleine d'obstacles. On s'acharne pendant que les autres stagnent. Les autres stagnent, faut qu'on se tape pour se faire entendre. Les autres se cassent sous la pression, faut qu'on se parle pour se faire entendre. On s'entend plus dans ce monde de sourds, dans ce monde de fous, on s'entend plus. Plutôt mourir que de nous mettre à genoux. À genoux certes, là les taux se resserrent. Ne nous parlez pas quand notre esprit se referme. La route est longue mais j'ai pas le temps pour les regrets, les défauts, pas le temps pour les noter. J'ai besoin d'une bouffée d'air frais. Tu sais, j'ai faire le beat, j'ai faire le con. Écoute, le compte de ma vie n'a rien d'un truc drôle, moi. Rater ma vie, là tu te trompes. Tu grimpes les marches et en fin de compte, tu vois que là tu retombes. Ne dites pas que j'ai mal. Le petit marche droit et voilà que chez moi je prends mon envol à 17 piches, assez rare. Et ça sert à rien de se compliquer les choses. Quand les choses sont simples pour rater ta vie, t'as qu'à prendre un comprimé, mes sons. C'est comme un calmant, nique sa merci, zigzag des balles sur le visage. Si je dois freiner, j'hésite pas. Ma route est longue, j'en ai marre de douter de tout. C'est cracher de la haine, j'en ai marre de tous ces gens qui parlent, j'aspire, expire. J'ai appris à me taire, respire le vécu d'un homme resté à terre. La route est longue mais belle, la route est longue mais pleine d'obstacles. On s'acharne pendant que les autres stagnent. Les autres stagnent, faut qu'on se tape pour se faire entendre. Les autres se cassent sous la pression, faut qu'on se parle pour se faire entendre. On s'entend plus dans ce monde de sourds, dans ce monde de fous, on s'entend plus. Plutôt mourir que de nous mettre à genoux. À genoux certes, là les taux se resserrent. Ne nous parlez pas quand notre esprit se referme. La vie est belle, certes, mais crade en même temps. Comprends pourquoi je lâche pas de sourire gratuitement. Et j'en ai rien à foutre de ce que peuvent dire les gens. L'amitié un joli mot, non. Corrompu à cause d'une meuf ou de l'argent. Ça me fout la haine, putain. Et c'est souvent dans une tête que je noie ma peine, cousin. De façon, c'est partout la même. L'honnêteté se perd, homme de principe. J'espère jusqu'un jour ça paye. Le cœur qui saigne à vif, y'a que mon nom qui me sert d'ami. Y'a le mal qui me sert la main, j'ai besoin de rien pour faire la diff. Un pas déprime, je m'exprime mal, tu vois bien que mon esprit marche seul. Là le seum, je l'ai insulté de barre, je prie mat. Stray dealer, pour pas marcher seul, faut être dealer. Vas-y dealer, j'ai mal, j'ai le cœur qui lâche trop fier. Puis l'heure tourne trop vite, je veux trop en faire pour impressionner. Le mal me guette de près d'après, son air de la route est longue mais belle, la route est longue mais pleine d'obstacles. On s'acharne pendant que les autres stagnent. Les autres stagnent, faut qu'on se tape pour se faire entendre. Les autres se cassent sous la pression. Faut qu'on se parle pour se faire entendre. On s'entend plus dans ce monde de sourds, dans ce monde de fous, on s'entend plus. Plutôt mourir que de nous mettre à genoux. À genoux certes, là les taux se resserrent. Ne nous parlez pas quand notre esprit se referme. Un pare-balles, Srey. Vas-y dis-leur que la route est longue. 2010.